No! Être antispéciste, c'est estimer qu'il n'y a pas une espèce supérieure à l'autre. En gros, on peut dire ça, et surtout ne pas discriminer une espèce, qu'elle soit animale ou effectivement humaine. Non, différence, il n'y en a pas, parce que celui-là qui connaît l'histoire, il sait la vérité. Des Noirs, ils ont eu des enfants albinos. Et les enfants-là, ils montaient vers le nord. À cette époque-là, il n'y avait pas le soleil ici en Europe. Les Blancs, c'est les enfants des Noirs, des fils des Noirs. Est-ce qu'un humain égale un cochon, égale un singe, égale un moustique ? Comme je l'explique, vous êtes sur un bateau, et le bateau va chavirer, je raconte ça dans le livre. Et alors, pour éviter que le bateau chavire, il faut forcément jeter quelqu'un par-dessus bord. Il y a qui sur ce bateau ? Il y a quatre hommes et un chien. Qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le réflexe naturel ? Le chien. Sauf qu'après... Maintenant, autre expérience de pensée, la même circonstance, mais le chien en question est un chien sauveteur. Il a sauvé des tas de personnes dans sa vie. Et les quatre sont des nazis. Alors, on commence par les quatre, ces personnes en particulier. Ces personnes en particulier, on ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est que le chien, lui, c'est un chien sauveteur qui a sauvé beaucoup de vies. Qu'est-ce qu'on fait ? Troisième cas de figure, c'est un chien sauveteur et effectivement, ce sont quatre nazis terribles. Voilà, qui ont commis les pires horreurs et les pires crimes. Est-ce que c'est encore la vie du chien que vous sacrifiez dans ce cas-là ? On peut même aller carrément plus loin dans l'exemple le plus simple qui soit. Vous avez une vie à sauver entre un chien et Hitler. Bonjour à tous, chers amis, bienvenue dans ce numéro 8 de Démocratie participative. Alors en préalable, avant cette émission qui s'annonce riche, je pense, dans nos débats, je vais rappeler donc notre adresse email. Vous pouvez nous contacter, démocratie participative d'un seul tenant, il n'y a pas d'espace entre démocratie et participative, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru, démocratie participative d'un seul tenant, @mail.ru. Et on a une page Facebook également du nom de démocratie participative, je vous invite à la suivre, à liker, parce qu'on diffuse nos émissions sur les différents supports. Et puis, ça nous permet d'établir un contact avec vous tous, avec vous qui nous écoutez. Et vous pouvez nous faire des suggestions par MP, par message privé. Il y en a qui le font déjà, et c'est très bien. Ça nous permet de porter à l'attention du public certaines choses peut-être auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors, je vais présenter tout de suite les personnes qui sont avec nous cette semaine. Derek, comment vas-tu ? Ouais, bonjour tout le monde, ça va très bien. Capitaliste. Bonjour. Ah, il est là. Il est là. Fulbert. Bonjour. Et Gringoy. Bonjour tout le monde, bonjour les amis. MacDav, alors est-ce que ça gaze cette semaine, MacDav ? Ça va très très bien. Salut les Goy, salut les Batou. Ça gazait, on croyait que ça gazait, puis on a croisé Robert, il nous a dit non, ça gaze rien du tout. ça gaze rien. Et Poporovic, comment vas-tu, Poro ? Shalom aleikum, salut les gouers. Ah, ça promet, les gars. Alors, cette semaine, on va commencer avec une rubrique, la rubrique autisme radical, hein, l'autisme radical de la gauche, la folie dans tous ses états. On va commencer avec cette histoire rocambolesque, rocambolesque pour nous, peut-être pas pour tous ceux qui nous écoutent, je sais pas, il y a peut-être des gens de gauche qui nous écoutent. Hein. Dans les Hautes-Alpes, séjour à la montagne payé par la caisse d'allocation familiale pour une association de femmes musulmanes de la banlieue parisienne qui invitait donc durant ce séjour à la montagne, un imam connu pour être radical, en tout cas pour être fondamentaliste. Alors c'était prévu, je ne connais pas exactement le secteur dans les Hautes-Alpes, c'est vers Gap, la station. Hein. C'est vers Gap. Ouais, vers Gap, au lac de Serponçon, donc il y a un barrage électrique. Alors c'est un endroit, c'est très beau, hein. C'était prévu du 21 au 28 août. Le séjour donc organisé, comme j'ai dit, par des femmes musulmanes, une association d'Aubervilliers, hein, pour ceux qui ne le savent pas, une association en fait islamiste. Hein. Et l'imam controversé, entre guillemets, qui était concerné par par ce séjour, c'était Ami Hassen Bounamcha. Vous pardonnerez mon arabe. Hein, Non, non, t'as réussi à le prononcer, c'est déjà bien, bravo. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Je le bosse, hein, je le bosse. Hein. Et alors, donc, c'est quelqu'un qui anime, entre autres, la mosquée de Boulogne-Billancourt qui s'appelle l'Olivier de la paix. Alors, je précise que, comment dire, dans ce séjour, était prévu donc dans les Hautes-Alpes, il y avait des prescriptions qui étaient indiquées pour les participants, donc il y avait une pudeur à respecter, etc. Hein, donc en gros, tout le monde était voilé dans l'affaire. Et comment dire, le petit plus, c'est que était prévu, et c'était spécifié sur la brochure par l'association et d'ailleurs le voyagiste islamiste aussi, le voyagiste était islamiste, faut que je le précise, que en fait la station ou l'hôtel qui allait les accueillir était homologué VACAF, qui est un dispositif de la CAF, donc de la Caisse d'allocation familiale, qui permet en fait à ceux qui sont des membres, enfin qui touchent de l'argent de la CAF, ou qui sont, je sais pas comment on dit, des ayants droit quoi auprès de la CAF, Les allocataires. des allocataires, Des pouvaient en parasites. fait, Des parasites. ouais, c'est vrai, dans le langage clair, c'est ça, pouvaient en fait se faire rembourser une partie de ce séjour en fait pour l'édification hein, de la communauté musulmane. Est-ce que vous avez suivi cette affaire? Ça vous en avez pensé quoi ça? Ah ben c'était très beau quoi, hein. De quoi bien débuter la semaine. Alors aussi hein, le site là de l'association qui regroupe un petit peu tous ces séjours, hein, voilà, séjours pudiques, hein, c'est vacancesethiques.com, hein, c'est tout un programme. Ça me rappelle assurance éthique, moi. Là, ce qui devient marrant, c'est ce qui nous saute aux yeux, c'est que ce sont des barbus là, à qui on offre des belles vacances. Donc, les assassins de nos enfants ont de beaux jours devant eux. Mais en réalité, ces trucs-là sont en place depuis très longtemps, quoi. Depuis 25 ans, avec le paradigme gauchiste, selon lequel, c'est toujours de la faute à la société, c'est jamais de la faute à l'individu, et c'est donc à la société de faire du travail pour intégrer l'individu, avec cette inversion des bourreaux et des victimes, mise en place par les cerveaux malades, gauchistes. Bah, ces choses-là, moi je les ai vues déjà il y a 20 ans, mises en place avec des délinquants qui partaient au ski, qui partaient de partout, mais ils n'avaient pas encore la barbe. Ils étaient imberbes en même temps, ils avaient 13 ans, 12, 14 ans. Donc là, depuis, les barbes ont poussé, mais ça continue, les vacances continuent, quoi. Et Ouais, alors c'est ça, c'est. Ouais. le Vas-y, pour type vite. là, Annie Hossein, hein, j'écorche son nom, j'en ai rien à foutre. C'est un sale bougnoule, a quand même été menacé d'expulsion en 2013, parce qu'il tenait des propos, disons, homophobes. Mais ça n'a pas empêché la CAF, qui est bille en tête pour livrer sa propagande homosexualiste merdique, de financer ses petits stages à la con. Voilà, donc tout va bien en France. Ça Je roule. crois d'ailleurs que c'est Manuel Valls, c'est en personne, Oui. qui avait dit que l'imam en question, voilà, il fallait qu'il soit expulsé, c'était insoutenable les propos qu'il tenait. Bon, ben écoute. Himself, hein, himself. Alors, moi, je tiens à Ouais. rappeler les propos. Je donne la parole à Porovitch après, mais je tiens à rappeler les propos qui sont relatifs aux homosexuels. C'est-à-dire qu'il avait dit, regardez San Francisco, Dieu les a punis, il y a eu un tremblement de terre parce qu'il y a 3 millions d'homosexuels en Californie. Bon voilà, le ton est donné avec cette magnifique citation. On est vraiment dans un pays magique. Hein. C'est, enfin, moi je repense à l'imam de Brest, hein, l'imam buveur de pisse qui menace les Alors, petits-enfants. explique l'histoire de la pisse, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'est pas au courant. Oui, c'est une prescription médicale dans le Coran d'utiliser de l'urine comme médicament. Soit De l'urine de l'orange, chameau et de l'urine de chamelle, je chameau. crois. Oui, bon, voilà. Bon, passons. Et donc, cet imam de Brest qui a ouvert une école coranique, qui tient des propos d'une radicalité, bon, il menace les enfants qui écoutent de la musique en leur disant qu'ils vont se transformer en singes et en porcs. Il dit que les femmes qui sont pas voilées, qui se font violer, c'est de leur faute. Bon, voilà. Donc, on est en plein état d'urgence, on est en pleine attaque par des salafistes, parce que c'est quand même l'État islamique, c'est comme ça l'islam qui pratique. Et l'État français, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il finance ces gars-là, il leur permet d'ouvrir des écoles coraniques, il leur permet d'organiser des stages de radicalisation à la montagne, aux frais de la CAF. C'est du délire. On est Ouais, vraiment. c'est du délire. On Ouais, dirait une c'est blague. de la folie. Bah, je crois qu'on le verra dans la suite de l'émission, le délire est... il est un petit peu partout. Ouais. Ah, il s'accentue, il s'accentue. Mais comment dire, on peut dire en tout cas une première chose, c'est que la CAF est un miracle d'Allah. Ça c'est un miracle tangible. Hein. Ça, Allah je pense qu'on peut. Azawajel, hein, s'il te plaît. C'est tout à fait Subhanallah. Alors, je voulais simplement, pour conclure sur cette petite histoire, citer quand même un propos de monsieur Ami Hassen Bounamcha, qui va vous dire quand même le niveau. Hein. Alors, je le cite dans le texte, il parle des femmes occidentales. Hein. Vous avez vu les femmes attirantes qui marchent d'un côté, puis de l'autre? Est-ce que c'est une démarche normale? Ce n'est pas une façon pieuse de marcher. Quand une femme sort de chez elle, il y a le diable et un ange qui l'attendent devant la porte. Si elle marche d'une façon pieuse, c'est l'ange qui ira avec elle. Si c'est d'une façon décadente, c'est le diable. Et il habite, les parties intimes sont derrière. Donc vous avez Mais découvert qu'en sûrement fait ce... le Ah non, souhait mais du attention, grand attention, attention, pervers, c'est attention, c'est sûrement d'aller d'un... déloger le diable dans son derrière, mais c'est d'un haut Bah niveau écoutez, voilà. spirituel quand même, hein. C'est Bah c'est d'un haut... Oui, voilà, j'ai envie de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on en est... voilà, le diable occupe le cul des bonnes femmes. Voilà, on en est là, on en est là. Et donc ça, c'est ce et monsieur qui est lui est allé... là pour vous enlever le diable, hein. Vous en faites pas. Ah oui, mais on en parlera une autre fois. Bon, enfin bref, tout ça financé par Mais la CAF, question, donc... est-ce que les 72 vierges au paradis ont le diable dans le cul? Ou est-ce elles sont expurgées du diable? Alors je pense qu'il doit y avoir la jurisprudence islamique a dû faire le point là-dessus, mais je t'avouerai en toute humilité que je ne suis pas au courant des détails. Donc bon, hein, c'est Ah bon, sujet sur écoute. lequel on reviendra probablement. Alors bon, en fait, on va passer au deuxième petit élément de cette rubrique autisme radical. Donc je dis un autisme radical, pourquoi? Parce que cette gauche complètement folle en fait qui est en train de perdre les pédales au point de nous amener dans les impasses qu'on voit. Ça nous amène au deuxième point. Là, on franchit l'Atlantique et ça va parler de la campagne d'Hillary Clinton. Alors, le père pro-taliban du djihadiste d'Orlando, je sais pas si vous vous rappelez, à Orlando, il y a eu une tuerie, là, c'est pas très vieux, hein, il y a un mois ou deux maximum, où quelqu'un qui se Non, revendique. il y a plus, il y a 8 mois. Non, non, non, Non, non, non. c'était début juillet, fin Début juin, début juillet, juillet. voilà. Donc un fils d'immigré afghan se revendiquant de l'État islamique passe à l'action à Orlando en Floride, dans une boîte dite homosexuelle ou fréquentée par des homosexuels, et abat de sang-froid une cinquantaine de personnes. Épargnant d'ailleurs au passage les Noirs, hein, faut le préciser quand même. Et donc le père de ce djihadiste, qui est reconnu et connu comme étant un soutien des talibans en Afghanistan, était présent au meeting d'Hillary Clinton cette semaine et a apporté devant toutes les caméras son soutien à la candidate démocrate. Hein. Alors ce monsieur s'appelle Sadiq Matin, donc le père du djihadiste qui s'appelait Omar Matin. Et alors quand on lui a demandé si on lui a demandé pourquoi il est venu, et là, il a dit bah, c'est simple, j'ai été invité. Et donc, je suis venu apporter mon soutien à Hillary Clinton. Alors, c'est magnifique. Alors, malheureusement, c'est évidemment dans une émission audio, enfin, dans un podcast. Donc, on va pas montrer les images. Mais alors, c'est extraordinaire parce qu'il est devant les chaînes de télévision, l'information continue, où il déploie un magnifique bandeau, tous avec Hillary, etc. Et on lui pose la question, pourquoi vous soutenez Hillary Clinton? Et en fait, il explique, il dit, bah, je crois que pour résoudre les problèmes des États-Unis, notamment les problèmes de terrorisme, Hillary Clinton est la meilleure. Et alors là, on se dit, ok, là, c'est la troisième dimension, voilà. Vous avez suivi cette affaire? Si vous ne l'avez pas suivi, moi, je prends votre commentaire, là. Ah oui, non, mais il faut le voir, quoi. Devant les caméras, il a une pancarte de 2 mètres de large, 1 m 20 de haut, tu vois, avec 3-4 citations, comme quoi Hillary est géniale, tu vois. Elle va sauver le monde. Je crois qu'il y a une citation d'un ancien directeur de la CIA qui dit que, voilà, Hillary, contre le terrorisme, c'est ce qui se fait de mieux. Et voilà, donc, et puis, ouais, il est tout fier. Ma foi, c'est assez bizarre, hein, sachant le passif qu'il a au niveau vidéo YouTube pro-taliban. Bon, je sais pas, je vois pas bien l'opération de com', hein, au côté démocrate. Effectivement, ça rentre bien dans la catégorie autisme radical. Ouais. Ah, parce qu'il faut savoir que le mec a une chaîne YouTube qui s'appelle Payam et Afghan, qui a enfin une sorte de web TV, quoi. Et où il soutient particulièrement le point de vue taliban. Enfin, c'est un islamiste, hein, une saloperie d'islamiste. Donc tranquille, quoi, ça va bien. Votez Hillary, parce que Trump, il est méchant. Encore une veine qu'il n'est pas écrit sur la pancarte au couteau. Sort un grand couteau de 25 cm pour écrire Hillary is the best. Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Et j'imagine ce que les médias auraient dit s'il y avait un terroriste qui était venu au meeting de Trump. Ah, il suffit, ouais, en effet. Il suffit de comparer. Il y a quelques membres du Ku Klux Klan qui apportent leur adhésion à Trump. Bon, on voit le traitement médiatique. Là, par contre, il y a un putain de barbu qui va le père, en plus d'un terroriste avéré, qui vient soutenir Hillary, et ça passe. Mais bon, ça, c'est les médias. Ouais, non, mais bon, que ce soit le père, bon, à la limite, tu vois, mais c'est surtout le passif qu'il a de soutien des talibans en Afghanistan. Bien sûr, vous l'avez rappelé, vous l'avez bien fait. Mais ce que je note, bon, bah, finalement, c'est que c'est comme en France. C'est-à-dire que les musulmans s'y trompent pas. Ils ont l'instinct. Ils savent qui est-ce qui renforce leur position. Et c'est évidemment la gauche. Donc évidemment que le mec soutient Hillary Clinton. En même temps, vu le programme de Trump pour les musulmans, c'est pas étonnant. Bah, disons, oui, le barbu aura bien oublié tout le discours pro-homosexuel, pro-féministe d'Hillary Clinton, puisqu'il a bien compris avec son instinct de parasite que de toute façon, globalement, il allait mieux s'en sortir avec Hillary qu'avec Trump, quoi. Donc ils en ont rien à faire. Non, mais ce qu'on peut souligner, c'est surtout le fait que les démocrates ont invité le père d'un assassin en puissance, qui d'ailleurs a tué des gens, excusez-moi, enfin qui ont été canonisés dans le panthéon quand même de la gauche occidentale. Hein, je veux dire, les homosexuels, c'est des gens qui sont censés être intouchables, voilà. C'est des homosexuels qui ont été abattus en raison de leur homosexualité. On va pas revenir sur cette affaire, on en avait parlé, mais bon, voilà. Et finalement, comme disait Charlie Hebdo, tout est pardonné, hein, voilà, c'est on oublie, et le mec, on l'invite, etc. Alors, imaginez un petit peu, je sais pas, le père d'un néo-nazi qui aurait abattu 50 noirs dans une boîte de nuit, bon, vous imaginez bien qu'il n'aurait pas été invité à la réunion du Parti démocrate, hein, bon, voilà. Donc, qu'est-ce que ça dit? Bah, ça dit, en fait, que... D'abord que tous les morts, qu'on est d'accord d'oublier certains crimes, que tous les morts n'ont pas la même valeur en fonction du poids politique qu'elles ont, et malheureusement, ça démontre encore une fois que la gauche est immorale, complètement immorale. Ce sont des gens qui n'ont pas de morale, quoi. C'est en fonction du prix politique qu'on peut en retirer, quoi. Voilà. Moi, c'est ça que je vois, quoi. Et logique. Voilà. Tout bourré de contradictions. J'avais noté en écoutant l'émission à laquelle j'avais pas pu participer, Martine Aubry, qui dit que avoir 35% de gens différents, c'est génial. Mais faut savoir, ils sont différents ou ils sont pareils? Depuis 40 ans, elle nous répète qu'ils sont pareils. Et là, elle nous dit que c'est génial d'avoir des gens différents. Donc c'est cette gauche de merde, de toute façon, la logique va l'exterminer. Le problème, c'est que la logique met du temps à revenir. Moi, je propose qu'on subventionne, qu'on paye des livrets de Sudoku, parce que je crois que c'est vraiment ça dont les Américains ont besoin, s'il arrive pas, en tout cas. Quoi. Ah oui, non, mais ce serait une bonne idée. Bon, on passe au troisième point. C'était juste pour mentionner, hein, comme vous le voyez, chaque semaine, pratiquement chaque jour, il y a une aberration. C'est presque échappé de l'asile. Vous voyez ce qu'on voit. Troisième point. Alors là, ça nous ramène dans l'hexagone, là, pour le coup. Et d'ailleurs, on va être amené à en reparler dans la deuxième partie de l'émission. Mais ça valait quand même le coup d'être mentionné dans la partie autisme radical. C'est le tribunal administratif de Lille qui a débouté vendredi la préfecture du Pas-de-Calais d'une demande que cette préfecture avait faite en référé de fermeture des commerces dits informels, donc en fait des trucs illégaux qui étaient tenus par les migrants dans la fameuse jungle de Calais, donc dans le bidonville à ciel ouvert qui accueille, je crois, entre les chiffres varient, hein, entre 7 à 9 000 migrants africains et musulmans. Donc la préfecture, donc le gouvernement, pour le coup le gouvernement, a été débouté de sa demande donc de bouclage donc des différents commerces qui s'y tenaient. Alors la justice donc elle a pris sa décision à l'encontre de restaurants et d'autres commerces, hein. Et alors le truc qui est extraordinaire, c'est la phraséologie qui a été utilisée. Alors là je cite, hein, le juge Mola. Je cite un extrait de la presse, mais c'est ce qu'a dit la juge. C'est un extrait du rendu du jugement. Le juge Mola a souligné que, je cite, ces épiceries, cafés, restaurants remplissent d'autres fonctions que l'alimentation des migrants. Donc, on ne peut pas mettre exclusivement en cause le côté hygiène, etc. Le tribunal administratif a interpellé sur les, je cite, conditions de précarité extrême et de total désœuvrement de ceux qui vivent sur le site. Les échoppes illégales constituant ainsi des lieux de rencontres apaisés entre migrants et bénévoles. Donc en fait, faisant fi des questions d'hygiène, des questions de droit les plus élémentaires, la juge a dit oui, mais ce sont d'abord et avant tout des lieux de rencontres apaisés entre clandestins et militants d'extrême gauche, donc hein, ce serait un petit peu trop dur de les fermer, donc laissons-les ouverts. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, quoi? Eh ben, qu'on est sorti de l'état de droit. Bon, nous, on a eu l'occasion de s'en rendre compte il y a déjà malheureusement pas mal d'années. Mais essayez, hein, amis gauchistes, là, ceux qui seraient perdus sur l'internet, qui chialeraient un petit peu, qui couineraient un petit peu en entendant nos propos méchants, qu'ils essayent d'ouvrir un petit boui-boui là, en bas de chez eux. Là, c'est l'été, c'est l'occasion de faire profiter aux touristes de la cuisine locale, essayer d'ouvrir un petit food truck, un petit truc, vous verrez comment ça se passe pour vous. Donc comprenez bien, vous êtes dans le viseur, les amis, vous n'êtes plus en odeur de sainteté dans votre pays. Et là, ce sont des choses très révélatrices auxquelles il faut vraiment payer attention. Ouais, mais d'ailleurs, tous les petits patrons qui sont assujettis, hein, au RSI, devaient être très contents, hein, de voir ça. Ils disent, tiens, peut-être qu'on va pouvoir nous aussi faire un petit peu comme on nous semble, enfin. Bon, je crois moyen moyen. Effectivement, Est-ce que quelqu'un... Vas-y, Baruch. c'est un magnifique doigt d'honneur envoyé à tous les petits entrepreneurs qui doivent payer mille une taxes, respecter mille une Oui, législation les européenne, règles etc. d'hygiène aussi, hein. Les règles d'hygiène, n'en parlons pas. Voilà, pour la bouffe principalement. Mais c'est vraiment un magnifique doigt d'honneur. Bon, c'est dans la lignée en même temps à Calais, il faut le savoir. Les migrants ont impunité totale. En cas d'agression sur les locaux, la police, de toute façon, ne prend pas les plaintes. Hein. Donc ils ont arrêté, ils disent on ne peut pas les retrouver. Donc ils ont impunité totale et bah, ils l'ont toujours, quoi, visiblement, dans tous les domaines. Donc il y a deux catégories de citoyens. Vous avez le français, hein, qui est soumis à la loi, puis vous avez le clando qui, lui, bah, fait un peu ce qu'il veut, quoi. Voilà, c'est la Bah, c'est-à-dire que France. c'est. Attention, c'est-à-dire que c'est pas un clan. En fait, il y a le citoyen qui est assujetti à la loi. Donc, ça, c'est toi. Et puis, tu as le clandestin, lui, qui n'est pas tenu par le droit. Ça s'applique pas à lui. Le mec, en fait, il est dans une zone franche, pratiquement. Même encore au-delà de la zone franche. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus aucun règlement. Mais c'est les juges qui donnent raison au principe même du non-droit. Le droit ne s'applique pas à eux. Pourquoi? Et là, c'est conditionnel, c'est relatif, en fait. C'est motivé par des raisons idéologiques. Et aussi raciales, en fait. Parce qu'en fait, bah, c'est des migrants. Bon, ouais, parlons clairement, ce sont donc des Africains, des musulmans, des gens du tiers-monde. Donc déjà, pour le juge, c'est un a priori positif. Le mec, il explique, ah oui, mais il y a quand même, voilà, il y a un contexte, il y a un contexte. Bon, Le ensuite, les contexte de mecs sont la cuisine concentrés. multiculturelle. C'est Alors, sympa. les mecs sont concentrés dans un bidonville à ciel ouvert où il y a d'ailleurs du crime partout, il y a des meurtres et tout. Bon, ils se rassemblent, ils font du business, etc. Oui, mais comprenez, c'est des lieux de sociabilité. Donc c'est pas des endroits où les mecs font de l'argent en black, c'est des lieux de sociabilité. Donc, comme disait très bien Gringoy, amusez-vous à créer un lieu de sociabilité au bas de votre rue sans avoir comment demander l'autorisation à la chambre de commerce ou bien au fisc. Vous allez voir ce qui va vous en coûter. Donc en fait, qu'est-ce qu'on découvre? Et tu l'as bien dit, mais je le reformule en fait, c'est qu'en fait, si tu es un basané clandestin en France, bah, le fisc, tu t'en fous, le droit, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux, point barre. Si t'es un pauvre prolo qui s'appelle Robert Dupont, ah là c'est pas la même musique déjà. Voilà. Donc ça, c'est la magistrature en 2016 en France. Voilà. C'est ce que ces gens viennent de nous dire. Et bon, bah voilà, je crois que niveau radicalisation, c'est pas mal quand même. Et alors, vu qu'on est dans l'autisme radical, moi je peux imaginer là une tournure que prendraient les meilleurs bouis-bouis de cette jungle de Calais, avec peut-être des invitations de l'extérieur pour venir y manger, peut-être même une médaille avec un petit coup de fil passé au guide Michelin ou quoi, pourquoi pas une fourchette au guide Michelin pour un de ces bouis-bouis à la con. Je pense qu'il va y avoir tout ça va aller de plus en plus loin. Les Ouais. comiques n'ont qu'à se rhabiller, quoi. Ils n'ont Ouais. plus aucun avenir devant eux. La réalité va être, enfin, drôle. C'est-à-dire après comment dirais-je, après l'équipe olympique de réfugiés, ce qu'ils appellent les réfugiés, donc de clando, on va peut-être avoir les clandos du guide Michelin. Non, Ça va mais se ça va être comme le boulanger africain qui a été décerné comme faisant la meilleure baguette de Paris, tu vois, donc qui fournit l'Élysée en pain. Hein, c'est lui qui fournit le pain à l'Élysée. Donc peut-être va-t-on avoir droit au boulanger de la jungle de Calais, hein, mais voilà, qui va être médaillé meilleure baguette de France. Et Ouais. qui va fournir l'Élysée en pain, hein, parce que le Calais, il y a dedans, Évidemment, tu as des mauvaise idée, boulangers, Francis. tu as les futurs Emmanuel Kant, tu as de tout, quoi, les philosophes, voilà, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de vie et de philosophie. Bah, qu'est-ce Et qu'on attend Aristote. pour y aller, j'ai envie de dire? Allez, Oui, soyons mais fous. bon, et puis. Peut-être qu'il y aura ce fameux joueur de Biniou qui ira leur faire un petit morceau de musique celtique aussi. Bah ça fera ton sur ton, hein. Ah, Ça fera ton sur franchement, ton. ah, moi je dis oui, hein, le bignou par le nègre avec la viande de brousse et le pain fait par le l'autre nègre, ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ah bah je crois que bah là la mission civilisatrice de la gauche aura été complètement accomplie, je crois. Je crois qu'on pourra le dire. Voilà. Et puis Alors, alors là, pour voir si François Hollande est un cynique ou un abruti, il faudra voir si en loose day, à l'Élysée, avec quelques petites caméras, il mange réellement le pain fabriqué par le nègre ou il le donne aux poules. Là, on saura si sur le paquet, on a affaire. mais Il sachant a que l'air de le bouffer, hein. je voulais ajouter, mais vite fait, faut savoir qu'une loi vient de passer là en août. Alors évidemment le mois d'août c'est le mois pour passer les lois à la con. Évidemment les gens sont en vacances. Et donc il faut savoir que maintenant dans le droit juridique français, la notion d'immigré clandestin n'existe plus. Hein. Non Donc mais on va y revenir maintenant, ça. On va y revenir dans la deuxième partie en ouais, fait. on va y revenir. T'en fais pas. Et c'est bien, on va bien traiter ça et tout. T'en fais pas. Mais c'est bien de le relever parce que ça va faire jonction. Donc de toute façon c'est bien. Ça... Et alors, par contre, bon bah bon vent à nos amis restaurateurs de la jungle de Calais. Je pense qu'il y a des vocations, hein, vous savez, parce que en plus il y a une clientèle qui, enfin il y a de la demande quoi. La clientèle a tendance à croître, donc c'est Mais positif. moi Bon. j'ai une question technique, Les elle chefs. s'alimente comment? Le resto s'alimente comment? Enfin, est-ce qu'ils servent de la chair humaine, par Non exemple? mais t'as pas compris que le truc en fait c'est que est-ce que t'as pas compris que les mecs les clandos, ils étaient en train de piller les réserves de bouffe de comment dirais-je de tous les structures d'aide etc. qui les revendaient au marché noir entre eux. Évidemment que c'est ça le truc, tu vois. Mais ça, ils vont pas te le dire, je pense bien. Mais si les chefs français partent à l'étranger, c'est pas parce que ils veulent vivre une aventure à l'étranger, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus le niveau face aux cuisiniers de la jungle de Calais, quoi. Ah bah je les invite alors bah justement à aller à l'étranger, aller dans la jungle. Ils vont apprendre des trucs. Alors, rubrique numéro 2, hein, de la semaine, c'est le tweet. Le tweet de la semaine. Et alors là, on apprend des choses. Je vais vous le citer, ça vaut le coup. Discussion ouverte, hein, sur ce tweet. Alors évidemment, vous allez vite deviner qui l'a écrit, hein. Alors je cite. Moi, j'aime bien la France parce que c'est nous, les Arabes, les Noirs, les Portugais et les Asiates, on l'a construit comme elle est. C'est juste, j'aime pas le peuple. Un Ah, commentaire? de qui est le tweet, excuse-moi. d'un Français, d'un bon Français, hein, d'un compatriote qui aime bien la France, mais qui aime pas le peuple français, quoi. Un compatriote égal et réconcilié. Tout à fait. Alors, ça vous inspire quoi, ce mythe-là de l'immigration qui a reconstruit. Parce qu'attention, c'est très présent chez eux, quoi. Oui, non, mais je note bien, je crois qu'ils parlent des Arabes, des Noirs et des Portugais. Et des Portugais. Et des Portugais. franchement, mes pauvres amis portugais, je suis désolé hein, que ce salopard vous ait mis dans le bain, là, dans ce grand. Écoute, moi, c'est. Ça mérite de se poser des questions peut-être hein, sur le cheptel, hein, cheptel le Portugal. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que au niveau racial, qu'est-ce qui se passe, non. Des Portugais, il y en a beaucoup. Alors bon, pour le coup, des Portugais, il y en a beaucoup dans le bâtiment. Mais enfin, bon. Je sais pas d'où ça vient cette histoire, ouais. Mais ceci étant dit, pour recadrer un peu la discussion, c'est quand même fascinant de voir que tous les poncifs de la gauche ont réussi à refaçonner la mémoire collective des masses africaines et musulmanes des banlieues, à tel point qu'ils sont convaincus, mordicus, qu'ils ont édifié la France, en moins de 40 ans quand même, mais ils en sont convaincus, Ouais, non mais pas permis. Bon. Et que les types viennent te dire en fait, je suis en France, j'adore la France, j'adore les Noirs, j'adore les Arabes, les Asiatiques, les Portugais du coup. Là, par contre, putain, les Français, je peux pas les saquer quoi. Mais c'est magnifique. Mais comment dire, même tu vois, il parle de l'immigration qu'il y a eu, il y a dans les années 70 le mec. Hein. À ce moment-là, quand même, tu vois, donc les mecs, on les foutait dans les HLM, mais on avait la décence de leur faire construire leur HLM. Donc c'est vrai, ils étaient traumatisés d'avoir travaillé, tu vois, un petit peu, tu vois, pour construire les merdes dans lesquelles ils sont. Et donc il faudrait qu'on s'excuse pour ça. Donc bon, ça va, hein, ça va 2 minutes. Ouais, vous avez tout ce qu'il ils faut, les même... allocations. Voilà, bon, on peut pas dire qu'ils travaillent trop en ce moment. Voilà, foutez-nous la paix. T'as raison de le rappeler, ils ont quand même construit une partie de la France. Toute cette partie miteuse, là, toutes ces banlieues absolument atroces, ces barres, effectivement, t'as raison de le rappeler qu'ils les ont construites. Et d'ailleurs, ils les habitent, ils les saccagent. Attendez, moi je tiens à préciser un truc, là, Gringoy, c'est que quand c'était habité par des Européens et par des Français de souche, des ouvriers français, généralement des ouvriers, c'était des cités ouvrières, c'était conçu comme ça. C'était des endroits extrêmement vivables. Bien sûr. C'était très sûr. Moderne. C'était un vrai progrès. C'était un vrai progrès. Moi, j'ai. Dans ma famille, d'ailleurs, même pour vous le dire, dans ma famille, il y a quelqu'un qui a accédé à la propriété à ce moment-là. Et à l'époque, c'est des gens qui avaient quitté les campagnes avec des habitations qui étaient très, très, très vétustes et qui ont accédé à ces espaces modernes, etc. Alors qui aujourd'hui, évidemment, sont un petit peu passés de mode, c'est moins qu'on puisse dire, mais qui étaient très vivables avec un voisinage très vivable. Et ce sont ces gens-là qui en ont fait un enfer sur Terre. Faut le préciser quand même. Moi, j'ai l'exemple encore pire, quoi, du côté donc du côté paternel. Hein, mes grands-parents étaient dans les quartiers nord de Marseille, donc dans les cités, la cité dégueulasse, qui à l'époque n'était pas dégueulasse, donc c'était rempli que des blancs. Il n'y avait que des blancs, hein, c'était dans les années 50. Et quand mon père avait 3-4 ans, quoi, hein, ils ont commencé à avoir l'afflux de métèques algériens. Quoi. Donc au début, bon, ça allait, il y en avait 2-3. Après, quand il a commencé à avoir un petit peu plus, les mecs ont commencé à tout saccager, donc ils sont partis. Et alors, à partir de là, c'était fini. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, quand tu mets des populations qui sont civilisées, qui pissent pas dans les halls collectifs, quoi, qui pissent pas dans les cages d'ascenseur, ouais, ça va. Oui, parce qu'en plus, il faut se rendre compte que au départ, les choses étaient mises en commun. Donc en fait, ces gens-là, parce que quand les choses sont mises en commun avec des individus respectueux, ces choses-là, tout le monde peut en profiter. Et moi, j'ai l'exemple, je vois, j'ai vu à vitesse grand V, en Suède ce qui s'est passé en France en l'espace de 30 ans. En Suède, donc les HLM, pareil, habités par des familles de Finlandais ou des choses comme ça, ou des pauvres Suédois, enfin, bref, des logements sociaux habités par le prolétariat local. Bah, très bien, tout est en commun, les terrains de jeu sont en commun, le sauna en commun, la machine à laver en commun. Donc c'est des conditions de vie qui pourraient sembler assez précaires aujourd'hui, mais en réalité, quand les gens sont dans la bonne entente et la common decency, tout se passe très bien et ils profitent d'énormément de choses que les gens qui ont la propriété individuelle n'ont pas. Mais là, Ouais, les Turcs sont enfin, arrivés, les immigrés il faut sont une arrivés. capacité, tu vois. Il faut avoir le principe de la reconnaissance, etc. Ça nous amènerait sur un autre sujet, mais vraiment. Bah d'ailleurs, en fait, on est dans le sujet. C'est-à-dire que c'est des gens, ils arrivent, parce que, excusez-moi, regardez le niveau de vie. En fait, c'était une femme qui parlait, c'était pas un mec. Regardez le niveau de vie des Arabes, comme elle dit, des Noirs, etc., dans leur propre pays. Excusez-moi, ils ont même pas l'eau courante. Ils arrivent en France, les types, ils crachent dans la soupe. Donc, la reconnaissance, ils savent pas ce que c'est, et quand on leur donne un truc, ils vous crachent à la face, donc point barre. Non, mais ils sont Enfin bon. sales, ils sont sales. Tu dis qu'ils nous crachent à la face, On est ils crachent pas d'accord, qu'à la ils sont sales face. dedans et en J'allais dehors. finir justement là-dessus. Ils crachent par terre, ils pissent dans les cages d'ascenseur, et puis voilà, ce sont des sauts. Ils Ouais. brûlent, enfin, voilà, ils jettent les poubelles par les fenêtres. Hein. À Marseille, hein. À Marseille, ça arrive, ça. Hein. À Marseille, les mecs jettent les poubelles par les fenêtres. Hein. Voilà, on en est Ouais. en France en 2016. Quoi. Oui, Effectivement. Bon, juste avant alors, de. attendez. Gandalf. Ouais. D'accord. Non, juste avant de passer au sujet suivant, je voulais juste appuyer ça en disant que justement, les saunas qui étaient mis en commun là-bas en Suède, aujourd'hui, ne peuvent plus être mis en commun, puisque les gens, les Africains, les Somaliens, les Turcs qui aujourd'hui bénéficient d'un sauna comme ça, mis en commun, ils ne le nettoient pas derrière eux, ils font rien derrière eux, ils le saccagent. Et donc, bah, la France, il y a 40 ans, c'était exactement la même chose. Il y avait tout un tas de choses qui étaient mises à disposition et qui ne peuvent plus être mises à disposition parce que ces populations ne sont pas aptes à partager un bien commun. Enfin bref, Effectivement. passons. Attends, attends, Alors, tu veux dire rubrique. qu'il existe des saunas remplis de nègres en Scandinavie? C'est des chambres à gaz, ces trucs. Non, ils sont pas très branchés là-dessus. Alors, les gauchias de la semaine. Troisième rubrique, messieurs. Alors, moi, j'en tiens deux, et je vais vous les livrer vivants. Le premier, alors on est en plein Jeux Olympiques de Rio 2016, on aura peut-être l'occasion d'en parler d'ailleurs la semaine prochaine. Jeux Olympiques, alors tout de suite, à l'ouverture, à peine comment dirais-je, les athlètes entrant en compétition, on avait déjà la cohorte des pleureuses qui se sont signalées, qui ont commencé à geindre et à faire des réclamations. Tiens donc, ça nous surprendra. Parmi lesquels Louis-Georges Thin, représentant du CRAN, hein, le comité ou le conseil, j'ai oublié, représentatif des associations noires. Donc en fait, celui, le général en chef, on ne sait même pas d'ailleurs couronné par qui et nommé par Général Noix de qui est ça. coco. Ouais, voilà, général Mat Coco, appointé par bah, on ne sait qui, comme je l'ai dit, et qui est là pour porter les plaintes de gens dont on ignore à peu près tout. Alors, l'association a reproché à Daniel Bilalian, qui est en fait la personne qui est en charge pour France 2 de ces Jeux Olympiques 2016 à Rio, d'avoir présenté, donc durant les commentaires des différentes épreuves et de l'ouverture des Jeux, d'avoir présenté le trafic d'esclaves comme, je cite, nécessaire au développement industriel et agricole du Brésil. Alors, bon, faut se remettre dans le contexte, effectivement, durant la colonisation, pour les colons européens, il y a eu recours à l'esclavage pour développer le pays. Alors ça n'a pas plu du tout, ça, cette expression, hein, nécessaire au développement industriel et agricole du pays, ça n'a pas plu à notre ami qui est allé se plaindre du côté du CSA, où d'ailleurs on lui a fermé la porte au nez. Et il est complètement offusqué, il se roule partout, il hurle, et il dit c'est inacceptable de voir des choses pareilles, en fait, qu'on ne puisse pas sanctionner le responsable donc de ces émissions retransmises depuis Rio. Voilà, le fait qu'on ait rappelé cette réalité, enfin, réalité objective, hein. Bilalian, il a pas pris position pour l'esclavage, il a simplement rappelé une chose. Mais voilà, ça y est, c'est déjà parti, quoi. Est-ce que vous avez suivi cette affaire-là? Et puis, vous pouvez même plus largement parler de ce personnage-là, Louis-Georges Tin. Ça pourrait être intéressant. Moi, je préfère l'appeler Louis Nègretin, hein, de mon côté, je ne sais pas pour vous. Donc, militant suprématisme noir et militant homosexuel. Donc, c'est un combo, hein, on peut dire ça comme ça. Gros tas de graisse, hein, tu disais, il était devant le CSA, il s'est roulé partout. Il a le physique pour, effectivement. Voilà, bon, il n'en est pas, c'est pas la première fois, hein, il demandait des réparations pour les Antilles, voilà, donc pourquoi il fallait qu'on leur file des trucs. Donc voilà, c'est toujours un la immense logique de, personnage. finalement toujours la logique de la CAF, hein, quelque part, hein, c'est-à-dire que vous ne devez Oui, mettre une ouais, à tout ça la CAF. Ouais. Ouais, mais alors, la je CAF dirais quand florienne. même que pour un tel individu, je pense vraiment pas que cet homme-là soit le représentant des Noirs. Enfin, là, on a vraiment affaire pour le coup à un de ces pantins mis à la tête d'une communauté pour. Parce que bon, il suffit de voir comment les Africains parlent des homosexuels. Enfin, là, tapez juste Afrique homosexualité sur YouTube et vous passerez un bon petit moment, une bonne petite Ouais, soirée. il date beaucoup, n'est-ce pas? C'est l'homophobie est major. Enfin, c'est même pas qu'elle est majoritaire, elle est évidente dans toute l'Afrique. Donc ce type-là, c'est vraiment le pantin. Bon, par contre, au niveau de la chialerie et du quémandage, il Tu veux dire représente la bien mande là, sa attends, il y a communauté. une formulation précise pour ça. La mendicité agressive. Voilà, Non au mais. niveau de la mendicité agressive, excuse-moi, c'est vrai que cette formule est très bonne. Donc au niveau de la mendicité agressive, il représente bien la mentalité de sa communauté. Mais pour le reste, je pense quand même que c'est un électron pas si libre que ça, et qui est plutôt dirigé, je dirais, par une autre communauté ou par les élites masochistes, gauchistes françaises, quoi. Non mais Oui, c'est sûr que le mec fait les associations de CRAN, hein, donc représentez-y des associations noires de France. J'avais regardé un petit peu, je m'étais intéressé à ça. Je crois que tu avais juste deux associations qui regroupaient en gros rien du tout. Donc ça a été monté de toutes pièces, le truc. Il y avait vraiment rien. Et en fait, il n'est pas tant là pour représenter les Noirs que pour culpabiliser les Blancs, quoi. C'est surtout pour ça qu'il est mis en avant. Tu veux dire qu'il est aussi représentatif que le gouvernement du Burkina Faso, quoi. Oui, voilà. Ouais. D'accord. MacDev, tu voulais dire un truc là-dessus? Bah oui, parce que moi je suis un peu étonné, parce que imaginons que le journaliste sportif aurait dit exactement l'inverse, à savoir que l'esclavage n'aurait pas été, enfin, nécessaire pour le développement économique du Brésil. Ah. Le mec Ah aurait bah oui. gueulé exactement de la même façon. Donc, bon, voilà, quoi. C'est-à-dire oui, mais Comment attention, bonne remarque. on a contribué, on a souffert, vous niez toute notre histoire. Oui, non, mais c'est ça, effectivement, tu as tout à fait Très, très, raison. non, mais très, très bonne remarque de Magda. Vous comprenez bien ce que ça implique. Les mecs, en fait, bouffent à tous les râteliers. Quelle que soit la façon dont tu présentes l'histoire, de toute manière, en réalité, ils cherchent à la présenter par la suite de manière victimaire et pour pouvoir quémander, et quelle que soit la façon dont tu la racontes. C'est évident que si on avait dit exactement l'inverse, la mendicité agressive se serait mise en branle exactement de la même manière. Fascinant. Bien joué, Magda. Ouais. Non, mais c'est absolument vrai. Alors, dans la foulée, toujours sur ces JO, Jeux Olympiques, et toujours sur le même thème, hein, je veux dire, de la pseudo, enfin, de la martyrologie, raciste ou antiraciste, Bruno Roger Petit, ancien, présentateur de, ah, bah si, obligé, ancien présentateur de France 2, comment dirais-je, du journal d'information, 13h, etc., qui est très actif sur Twitter, qui se prévaut d'ailleurs soi-disant d'une expertise en sport, alors qui lui, comment dirais-je, était à l'affût, parce que lui, c'est sa spécialité, il est à l'affût du racisme. Hein. D'ailleurs, c'est un militant hollandiste, c'est C'est un le soutien Askolovitch Boy. fervent, oui, mais oui, enfin, on en reparlera de ça. C'est un militant fervent de François Hollande, ce qui, pour moi, d'ailleurs, bon, je vous Ah oui, épargne c'est mes pas. commentaires. Enfin, toujours est-il qu'il rebondit sur un commentaire, encore une fois, d'un commentateur sportif durant les Jeux Olympiques. Alors là, c'est l'équipe de gymnastes japonaises. Donc, ils font leur performance, les filles font leur performance. Elles ont, je crois, gagné la médaille d'or, si ma mémoire est bonne. En tout cas, elles ont fait une bonne performance. Une fois qu'elles ont appris leur victoire, elles se rassemblent, elles sautent, etc. Elles sont contentes. Et effectivement, bon, vous savez comment, enfin, vous savez, avec la langue, là, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais disons que les réactions des Japonaises amusent le commentateur qui dit, et là je le cite, c'est beau à voir cette équipe, on dirait un petit manga. Il y a tous les petits personnages qui sont contents, on se croirait dans les dessins animés. Il y a des petits Pikachu de partout. Voilà. Alors, ça amuse tout le monde. Bon, voilà, c'est pas, ça porte pas à conséquence. Enfin, ça porte pas à conséquence pour les esprits équilibrés parce que non seulement toutes les ligues de vertu antiracistes ont hurlé à la mort, mais Bruno Roger Petit sur Twitter s'est littéralement étouffé et il a résumé son indignation en un seul hashtag sur Twitter, donc en un seul message, Bilalian démission. Voilà, c'est ça s'est arrêté à ça. Alors, c'est d'autant plus rigolo hein, que l'auteur des propos donc, sur les Pikachu, c'est vrai que c'est. Objectivement, c'est quand même drôle. Voilà, c'est quand même marrant. Non, c'est pas méchant, quoi. Ah ouais, voilà, tu vois, c'est bon. Et donc, c'est un gymnaste français, donc il est maintenant consultant pour France Télé, et qui est voilà, né en France de parents algériens. Je crois qu'il est né à Candrois, à Montfermeil, donc à Seine-Saint-Denis. Donc, bon, ouais, la gauche, ouais, c'est plus quoi dire. Donc, même quand tu en as. Un Algérien, tu vois, qui a réussi, qui a gagné des trucs, en France, il commence à faire des blagues, tu vois. Donc, ouais, déjà, les mecs de gauche n'ont pas d'humour. Voilà, ça leur va plus. C'est ça qui les tuera, hein, manque d'humour. Parce que le Gaulois aime rire. Et c'est, on l'avait vu à l'époque, je ne sais pas trop où il en est là, mais à l'époque de Dieudonné, les Français aiment pas quand on leur interdit de rire, quoi. Ça, c'est vraiment. Et Ah oui, les les gauchistes réactions n'aiment pas en bas de l'article, enfin des articles, j'ai lu plusieurs articles, mais en bas des articles à très grand tirage, attention, hein, c'est 20 minutes, Metro News, l'équipe et tout, les types s'étouffaient, quoi. C'est-à-dire qu'ils disaient, mais comment, on peut plus rien dire, c'est scandaleux, etc. Il y avait vraiment un ras-le-bol, quoi. C'est-à-dire que ah oui, alors la police, non, les ligues de vertu et la police politique qui veillent au grain, parce que t'as dit Pikachu en parlant d'une équipe de japonaises, ah, non, là, les gens saturent, hein. On est en plein intégrisme, plein puritanisme de gauche, ça devient vraiment étouffant. Bah ça Oui, devient c'est ça, c'est-à-dire qu'en ridicule quoi. fait. Ça devient ridicule, Oui, en plus, ouais. ça aurait pu être dans la partie autisme radical, quoi. Parce que lui, pour le coup, Bruno Roger Poty, c'est le grand maître de l'autisme. Hein. Ah oui, Ah oui, ouais, oui. c'est. Mais de toute façon, il a une gueule louche, lui, à mon avis, Ah dans bah son arbre oui. généalogique, oui, il s'est passé des trucs, lui. Hein. Je crois qu'il Ah, faudrait faire un petit. moi, il m'a bien l'air du goy ultra soumis. C'est vraiment Laskolovitch goy. Non. Alors, il faut savoir que tu l'as précisé dans sa présentation. Il sévit dans la critique footballistique, dans la critique sportive en règle générale. Mais footballistique plus Malheureusement, non. précisément, parce qu'il a bien dû cerner que le football était le sport du multiculturalisme, étant donné que le Brésil est le meilleur pays et le pays qui a eu gagné le plus de coupes du monde. Bruno Roger Petit, ça lui parle, quoi. Quand il voit des métis être plus forts que tous les Ouais, c'est autres. surtout au vu de sa gueule hein, sa gueule franchement louche, quoi. Ouais, Ouais. louche, hein, louche, hein. Ouais, mais oui, mais moi je vous dis, je pense que c'est un. Ça Bon, n'empêche pas, hein, c'est que il est l'un juste n'exclut pas laid l'autre, en hein, fait. ceci étant dit. Il est laid, c'est Ah, tout. je sais pas, mais parce que si vous regardez son truc, son compte Twitter, là récemment, il y a 2 jours, il a retweeté la victoire, vous voyez, de Jesse Owens aux Jeux Olympiques, vous voyez, ou alors il y a Jesse Owens qui est sur le podium et il y a le nazi qui est numéro 2, alors qui tend le bras parce qu'à l'époque c'était obligatoire, c'était officiel. Et alors là, vous sentez qu'il a une espèce d'orgasme et tout, et là on est dans la névrose totale, d'autant plus que, pour la petite histoire, Hitler avait félicité Jesse Owens de sa victoire, ce que personne ne dit jamais. Parce qu'on a toujours envie de présenter Adolf Hitler comme un peu celui qui Celui mange des qui mange des petits-enfants. petits-enfants. Oui, Mais c'est un peu plus compliqué que ça. avec un commentaire de Jesse Owens qui a dit qu'il avait vu plus d'humanité dans le regard d'Hitler que dans les dirigeants de ses propres pays. Et sûrement Alors, même le. voilà. Enfin bon. Alors, pause maintenant, un petit intermédiaire musical, et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, épisode numéro 8 de Démocratie participative. Tu avais juste 18 ans. quand tu es rentré chez les rouges, quand on t'a dit en Occident, faut que ça bouge. C'est pas exprès, t'étais trotskiste, petit gauchiste. Alors de débat en débat, c'est formé ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances. Les gros cons et les progressistes, petits gauchistes. Puis t'es rentré dans les salons, ta vie devenait, tu l'es faite, en gardant toujours ton aplomb de vieux prophète. Ils t'adoraient, les journalistes, petits gauchistes. Alors sont venus les honneurs, mais jamais sans livrer bataille. Tu célébrais dans le bonheur les funérailles de l'Occident impérialiste, petit gauchiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt finiront tes affaires et ton confortable combat, que vas-tu faire? C'est fini, le rêve socialiste, petit gauchiste. C'est plus vraiment comme autrefois, maintenant que les gens savent lire et qu'ils ont appris avec moi ce que veut dire être réac sans être fasciste, petit gauchiste. Elles sont contre toi maintenant, les révoltés, les barricades, et on prépare en ricanant ta débandade. T'as trop joué au légaliste, petit gauchiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois que l'UMP ouvre ses listes, petit gauchiste. Deuxième partie de cette émission numéro 8 de Démocratie participative, consacrée à deux sujets, un sujet mineur et un sujet majeur. Premier sujet, la révolution, en quelque sorte, réglementaire, pas législative, puisque c'est pas exactement ce dont il s'agit, mais réglementaire, sur l'immigration. On va voir que c'est un sujet lourd de conséquences. Et deuxième gros sujet, alors là, rien à voir, sur le véganisme. Les végans, on a des choses à dire. C'est un sujet qui a été travaillé par Porovitch, qui a consacré du temps et qui a fait une synthèse intéressante. Vous allez voir, ça mérite attention, ça mérite discussion. Alors, on va commencer sur cette question donc des migrants. Alors bon, évidemment, la question des migrants, vous la connaissez, elle revient constamment dans l'actualité, dans le débat public aussi, mais il vient de se passer quelque chose d'assez révolutionnaire à sa façon, puisque le gouvernement socialiste, en plein milieu de l'été, dans la plus grande discrétion, le 1er août, hein, si je suis, ouais, le 1er août 2016, a fait passer une circulaire qui, en fait, de facto, valide l'abolition du concept d'immigration illégale, donc du principe de clandestinité. Alors, c'est une décision qui a été prise conjointement entre le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, en exercice, et Emmanuel Cos, écologiste, du moins sur le papier, en tout cas clairement d'extrême gauche, ministre du Logement, également en exercice, et donc conjointement, ils ont pris la décision d'abolir toutes les restrictions qui pouvaient subsister, Dieu sait qu'il y en restait, sur les différentes contraintes que pouvaient rencontrer les migrants clandestins pénétrant sur le territoire français. Alors, avec cette circulaire, dorénavant, c'est simple, c'est open bar, hein, on ne peut plus expulser les migrants clandestins, qui sont d'ailleurs pour le coup rebaptisés migrants sans abri, c'est magnifique, on dirait du Prévert. Et alors ils ont accès à tout, logement, accès aux avocats pour faire les, pour faire des papiers, donc demander des droits de séjour, bon, tout ce qui s'ensuit, hein, bon, la restauration, etc. Est-ce que vous avez vu ce développement très récent, puisque ça est passé dans la presse aujourd'hui, dans Le Figaro, mais la décision a été prise, comme je l'ai dit, début août. Ouais, donc c'est un communiqué, en fait, du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, conjointement à ministre du Logement, Emmanuel Cosse, qui ont sorti effectivement cette, voilà, ce texte. C'est vrai que tu as parlé du charabia verbeux. Je peux le citer, c'est simplement pour simplement situer le truc, hein. Alors je cite un extrait du communiqué, je ne vais pas citer en son entier, j'ouvre les guillemets, « À cette occasion, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Logement et de l'Habitat Durable ont présenté aux associations, donc enfin d'extrême gauche, hein, qui accompagnent donc les migrants, entre guillemets, la charte de fonctionnement des centres d'accueil et d'orientation, CAO, donc la charte qui a valeur en fait de via la circulaire de qui a autorité maintenant, hein, sur le fonctionnement des administrations face à l'immigration illégale, répondant à un souhait partagé de l'État et des acteurs associatifs, hein, entre guillemets, et rédigé au terme de plusieurs semaines de dialogue avec les opérateurs des centres d'accueil et d'orientation. Cette charte édicte des règles claires de fonctionnement et décrit les principales prestations délivrées aux migrants sans-abri qui y sont accueillis. Deux points. Conditions d'accueil et de localisation, taux d'encadrement, restauration, évaluation juridique, donc ça c'est l'accès, c'est l'aide en fait pour avoir les papiers, sociale et médicale, donc pour avoir accès aux soins ou aux prestations sociales diverses et variées, comme par exemple des stages à la montagne, si vous voyez ce que je veux dire, de la situation des personnes accueillies et accompagnement adapté, sécurité, etc. La prise en charge donc dans ces centres doit ainsi permettre aux personnes migrantes sans abri de bénéficier d'un temps de répit et d'engager, si elles le souhaitent, d'après vous, le souhaite-t-elle, je vous pose la question, une démarche de demande d'asile. Voilà le contenu du communiqué. Alors, tu dis si elle le souhaite, attention, elle ne le souhaite pas forcément, hein, puisque tout à l'heure, on parlait de Calais. Ceux qui sont à Calais, ils veulent même pas l'asile en France, ils veulent aller en Angleterre. Hein. Donc, oui, mais bon, enfin, s'ils sont pas trop cons, ils vont se régulariser en France et ensuite ils iront en Angleterre, quoi. Hein. Ouais, mais bon, ça reste quand même des QI relativement bas. S'ils sont pas trop cons, oui, ils sont quand même. Hein. En tout cas, la grande rupture, c'est que le principe d'illégalité de résidence sur le territoire français est aboli. Oui, on s'y attendait. Totalement aboli. D'ailleurs, alors là, je m'excuse auprès des auditeurs, j'ai pas eu le temps de faire un travail sérieux dessus, mais peut-être qu'eux auront le temps de le faire. D'ailleurs, si un auditeur peut nous faire un compte-rendu de cette loi, parce que vous savez, les lois, c'est énormément d'alinéas, énormément de sous-rubriques, c'est tout un travail pour analyser une loi. Il y a la loi 2016-274, qui apparemment serait rentré en vigueur. Je pourrais lire un petit commentaire, je ne peux pas garantir la justesse de ce commentaire, mais je pourrais vous commenter à peu près à quoi correspond cette loi. Donc voilà, je cite un commentaire si j'en ai pour une petite minute. Donc, il y a quelques semaines, nous vous annoncions qu'une loi visant à élargir les conditions d'obtention de la nationalité française par le droit du sol allait être votée en catimini. Depuis peu, c'est officiel. Dorénavant, la loi 2016-274, publiée le 8 mars 2016 au Journal officiel, entre en vigueur. Quelques points essentiels à retenir sur cette trahison de l'État. Cette loi crée une nouvelle forme d'acquisition de la nationalité française. Un droit du sol dérivé, indirect, transmis par le lien de fratrie, qui ne nécessite pas d'être né sur le territoire français, mais d'avoir un frère devenu lui-même français par le droit du sol. Un étranger en situation irrégulière en France qui n'a pas les moyens personnels d'être soigné dans son pays d'origine obtient également le droit à une régularisation et donc d'être soigné en France. C'est du grand art politique, on ne soigne plus les Français qui n'en ont plus les moyens, mais on laissera n'importe quel étranger devenir français pour se faire soigner. Le commentaire dure un petit peu, donc je m'arrête là. Je remercie la personne, j'ai lu ça sur un site d'information alternative. Donc voilà, la loi 2016-274 va encore plus loin de tout ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. La réalité dépasse la fiction, là. Alors là, attends, là j'articule le truc. C'est-à-dire que d'un côté, on a donc une circulaire. Donc c'est pas une loi. C'est pas débattu. Il y a aucun responsable politique qui assume ce truc-là, je veux dire, publiquement. C'est pas traité à l'Assemblée nationale, quoi que ce soit. C'est une décision administrative qui est politique, ceci étant dit, parce qu'elle émane du ministère, elle émane de Cazeneuve, du pouvoir socialiste, mais c'est administratif, qui dit, en somme, voilà, la notion de clandestinité n'existe plus. Du coup, la notion de frontière n'existe plus. Tout le monde arrive sur le territoire français, et ce sont les Oukases, je vous le rappelle, qui sont vieux de plusieurs décennies, mais qu'on entendait déjà il y a plus de 15 ans dans la bouche de Besancenot, c'est-à-dire le droit irrépressible, incontestable de qui veut à migrer en France, c'est-à-dire un droit inconditionnel à la migration. Ça, c'était une des propositions les plus radicales des trotskistes en France, rappelons-le, et c'était du Besancenot. Ça, aujourd'hui, c'est le gouvernement français. Et qui s'articule avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, en fait, la tribalisation de la nationalité française. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si X ou Y est naturalisé, par extension tribale, et Dieu sait qu'en Afrique, ça veut dire quelque chose, en gros, tout le village peut devenir français. C'est ça que ça veut dire. Parce que comment vas-tu prouver que X est le frère de machin, puisque lui-même n'a pas été naturalisé en France, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il veut, comment vous allez le faire? Comment vous allez le faire? Dans un village, du fin fond du Niger, du Mali, etc. Donc, évidemment, outre l'aberration de la proposition, Non, mais c'est ça, c'était déjà un petit peu, on connaît l'évolution gauchiste, quoi, c'est petit à petit. Déjà, depuis fin 2012, enfin, le 31 décembre 2012, très exactement, il y avait une loi qui était passée pour supprimer le délit de séjour irrégulier. Avant, donc le clandestin voilà, qui rentrait illégalement en France était un délinquant. Il y avait des peines prévues d'un an d'emprisonnement avec une amende hein, également. Et ça, voilà, ça a été aboli donc déjà il y a maintenant 4 ans, hein, 3 ans et demi hein, quasiment. Et bon, c'est l'évolution là qui maintenant je dis que l'immigration régulière, l'immigration irrégulière, c'est pareil. C'est la suite logique. C'est l'estocade. Il n'y a plus rien après. Ils ne peuvent plus aller plus loin puisque là, c'est l'extension pour l'humanité tout entière. Il n'y a aucun frein logique, aucune raison à ce qu'un Africain demain, il pourra forcément trouver quelqu'un qui est sur le sol français, et de toute façon, s'il arrive à faire le voyage en barque via la régularisation des sans-papiers, de toute façon, une fois en France, il aura le droit à la nationalité française. Donc soit il prend le risque de traverser en barque, soit il passe quelques coups de fil pour se trouver un cousin, un frère africain. Et alors, comme le disait Gandalf, un frère africain, c'est un pléonasme. Les Africains sont quasiment tous frères. Il faut savoir qu'il y a des footballeurs qui gagnent 10 millions par mois et qui ont du mal à boucler les fins de mois tellement ils redistribuent à la famille. Et c'est affolant. Ce sont des familles, il faut multiplier en gros par 100 ce qu'on considère comme une famille chez nous. Donc vous pensez bien que là c'est terminé. C'est le scénario que Jean-Marie Le Pen annonçait il y a 20 ans, c'est-à-dire 400 millions d'Africains sur le sol européen en quelques décennies. C'est fou, quoi. On est vraiment gouverné par l'extrême gauche. Ces mecs, c'est des extrémistes. On n'a jamais vu ça. C'est dingue. Bah, c'est l'extrême gauche, en fait. C'est un projet qui est défendu aussi par la grande banque. Hein. Faut l'oublier. Des gens comme, j'ai déjà mentionné cette personne, et Peter Sutherland, ancien directeur de la Banque d'Irlande, ancien commissaire européen à la concurrence, ancien représentant de Goldman Sachs au niveau mondial. Par ailleurs, depuis, on ne sait pas par quel miracle, c'est le cas de le dire, puisqu'il est membre de l'Opus Dei, proche du pape François, qui n'a d'ailleurs qui ne parle que d'une chose, hein, c'est des musulmans et des migrants, il y a que ça qui l'intéresse. Hein. Ce monsieur, hein, qui probablement doit écrire les textes du fameux pape sur le sujet, et par ailleurs le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU aux migrations. Et qu'est-ce que nous dit ce monsieur? Il nous dit, on a un problème, c'est-à-dire que si on ne fait pas venir X dizaines de millions de migrants par an en Europe, les banques font faillite. Bon, voilà, on ne cherchait pas plus loin. Donc c'est pour ça qu'on fait venir tous ces gens, parce que ces gens-là vivent dans un monde de statistiques. Donc ils se disent 1 plus 1 égale 2, donc, parce que pour eux, un Africain égale un Blanc, en termes de potentiel de production, ça nous fait bien marrer, mais c'est comme ça qu'ils le perçoivent, et ils disent, on va compenser le déficit démographique par ça, et on va sauver les banques. Donc ça s'arrête à ça, faut bien comprendre. Et dans la même logique, et c'est là que l'extrême-gauche vole au secours, j'allais dire, de la finance internationale, c'est Emmanuel Coss qui nous explique que... Alors ça, c'est très marrant, parce que c'est des gens, c'est des politiciens, ils nous disent, il faut accueillir tout le monde. Ah, formidable. Avec quel argent? Ah, il n'y a pas de réponse. Et comme ils n'ont pas de réponse, ils nous disent, on va développer l'hébergement citoyen. Ben, c'est bon. Alors, le mot citoyen, on met ça dans n'importe quoi. Comme je dis, hein, demain, il y aura le papier toilette citoyen. Ça va arriver, c'est aussi au bout d'un moment. On nous explique, en fait, on a fait venir tout le monde, mais par contre, on n'a pas le premier sou pour les accueillir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à des volontaires de les accueillir chez eux. Alors, je ne crois pas qu'Emmanuel Coss se soit porté volontaire pour accueillir des bus de migrants afghans à domicile, je ne suis pas certain, alors peut-être, mais en tout cas, elle a demandé. Peut-être que son mari, Denis Baupin, hein, qui a été pris la main dans le pot de confiture en train de tripoter des jeunes militantes du parti Europe Écologie Les Verts, peut-être que Denis Baupin se félicitera d'accueillir quelques migrantes au domicile conjugal avec Emmanuel Coss. Hein, Oui, parce qu'attendez, vous savez que face à la demande pressante de la part du peuple d'accueillir des migrants chez les élites, puisque les élites nous réclament d'accueillir des migrants, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de hashtags, qui se sont mis en branle, accueillez-les chez vous. Et du coup, vous savez, c'est le propre des joueurs d'échecs, hein, ils ont toujours un coup d'avance. Il y a les cons comme Emmanuel Coss, elle ne joue pas aux échecs, manifestement. Mais il y a les autres, il y a ceux qui sont plus intelligents. Et ils ont la parade. C'est qu'en réalité, ils vont prendre des migrants chez eux, ils vont leur faire faire le ménage, leur faire garder les gamins, leur faire tout faire. Et ils nous diront, regardez, nous, on garde des migrants chez nous. Et ça s'est déjà mis en place, j'ai vu ça pareil aujourd'hui, cherchez, vous trouverez, il n'y a aucun problème. Oui, c'est-à-dire, adopte un migrant, tu vois, et en plus, les juges ils diront, mais oui, mais c'est pas du travail au noir parce que c'est de la solidarité. Et c'est qu'en fait, les pires fantasmes, je veux dire, de l'extrême gauche de jadis, quand elle était encore un petit peu soucieuse des questions de droit du travail, etc., sont en train de se mettre en œuvre. Mais sauf que ça va être applaudi par les trotskistes. C'est-à-dire que Besançon va dire, mais c'est extraordinaire, rendez-vous compte. L'histoire de Mounia qui arrive de Tunisie, machin, elle a trouvé un emploi immédiatement. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a fait sauter, on a fait sauter les barrières, donc le droit du travail. Oui, non, mais pas tout à fait. C'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les employeurs, ils disent, oui, alors moi, il me faut telle quantité d'Afghans, telle quantité de machin, ça, pour faire des boulots en plus, pas qualifiés, quoi. Machin, ils sont contents, et ensuite, à la collectivité de raquer pour le reste. Et là, c'est l'hébergement, et là, c'est les programmes sociaux, là, c'est la santé, c'est extraordinaire, enfin, je veux dire, c'est fabuleux. Et l'extrême gauche, le Parti Socialiste, non seulement applaudissent, mais le mettent en œuvre, quoi. Et c'est encore plus fort que l'esclavage, parce que dans l'esclavage, il faut quand même loger, nourrir et soigner tes esclaves, tandis que là, c'est la collectivité qui le fait. Oui, mais c'est magnifique. Voilà, c'est ça. En fait, comment dirais-je, privatisation des bénéfices, socialisation des déficits, c'est fabuleux. L'élite en fout plein les poches, etc. Donc, toutes les causes de la terre. J'ai dit cause, j'ai pas dit toutes les connes. Hein. J'ai dit toutes les causes de la terre, les cases neuves, les Sutherland, les papes François, etc. Et puis en bas, tout en bas de l'échelle, le prolétariat européen, le prolétariat blanc, hein, voilà. Mais qui est coupable quand même, parce qu'il est blanc. Lui, lui, il est pot cassé, hein. Faut payer l'addition quand même. Et ça, c'est en face de nous, c'est en temps réel, c'est face à nous. Alors, tu veux rajouter quelque chose, Gringoy? Non, je disais à vitesse grand V, c'est en train de se. Ah oui, je crois que c'est à vitesse grand V. Alors, sujet thématique de notre émission cette semaine, le véganisme. On change complètement. Là, on est complètement dans autre chose, d'une certaine façon. d'une autre façon un peu moins. Tous rejoints, exactement. Exactement. C'est Porovitch. Ouais. Tu veux dire quelque chose ? Non, je disais d'Emmanuel Kos au véganisme, tu vois, t'as la cause écologiste, tu vois, avec le petit. Enfin, c'est surtout le vernis écologiste. Ouais, enfin, à mon avis, il ne doit pas manger beaucoup de salade. Hein. Non, ah, bah, il y a la pulsion de mort. Il y a la pulsion de mort. Avec les kilos de avec les kilos de lardons qu'elle bouffe, elle doit mettre un peu de salade quand même. Hein. Le lien, c'est la source des deux, c'est la cause des deux, c'est la pulsion de mort. Le véganisme comme le gauchisme, comme l'autisme radical gauchiste, les deux matérialisent une pulsion de mort, une envie de crever chez certains de nos compatriotes. On y vient. Alors, Porovitch. Le véganisme, vous avez sûrement croisé des véganes sur Internet, ces gens extrêmement irritants, qui cherchent à vous culpabiliser de manger de la viande. Bon, alors, sujet du jour, véganisme. Petite historique, c'est un terme qui est créé en 1944 en Angleterre, par un type qui s'appelle Donald Watson, et qui fonde alors la Vegan Society. Il fonde cette society parce que, tout simplement, il était déjà végétarien, mais il estime que ça ne va pas assez loin. Donc, c'est là qu'il crée le principe du véganisme, qui est tout simplement un mode de vie consistant à ne consommer aucun produit ou service issu des animaux ou de leur exploitation, et donc, évidemment, implique le végétarisme, mais pas que. Ça implique aussi de ne pas porter de vêtements issus de peau animale, de ne pas consommer de produits à base de lait ou ni même d'œufs, enfin quoi que ce soit qui proviennent des animaux. S'ajoute à ça un autre volet aussi de l'émission, c'est l'antispécisme. Juste avant de passer à l'antispécisme, c'est important, mais en fait, là je voulais le souligner, c'est qu'en fait ce monsieur va créer une philosophie en fait dont le végétarisme n'est qu'un volet pratique, en fait. C'est ça que tu veux dire. Hein. Bien sûr, le véganisme, c'est un mode de vie, c'est aussi une idéologie. Le végétarisme, c'est une part du véganisme, mais c'est pas tout. C'est un mode de vie intégral. Ne rien consommer, pas seulement l'alimentation, ne rien consommer pour issu des produits animaux. Ça ira jusqu'au blouson en cuir, jusqu'aux chaussures. Tout à fait. Jusqu'à la laine, toutes ces choses-là. Ouais, alors ensuite tu dis jusqu'à la pilule en gélatine, mais ça va très très loin. Il y a des intégristes aussi là-dedans. Et ensuite tu dis il y a un virage vers l'antispécisme. Alors il y a quelque chose qui se passe à un moment donné. C'est dans les années 70, évidemment l'idéologie progresse ou régresse, c'est vous qui voyez. Et donc on voit arriver l'antispécisme. Alors c'est un mot qui est calqué sur l'antiracisme évidemment. L'antispécisme entend dénoncer le spécisme qui serait une forme de discrimination concernant l'espèce. Et donc, évidemment, ces gens-là sont en lutte, comme les antiracistes, comme les féministes, mais cette fois-ci pour défendre les animaux, évidemment. Les antifascistes ? Les antifascistes, on va y revenir. Donc, en gros, c'est quoi l'antispécisme ? C'est-à-dire que les animaux sont opprimés par les méchants humains, quoi, c'est ça ? Exactement. Ah d'accord, c'est... Bah, c'est vrai. Et c'est aussi, en fait, c'est aussi le fait même de nier, parce que comme il y a l'antiracisme, non seulement qui consiste à combattre les racistes ou les présumés racistes, ça consiste aussi à combattre ceux qui prétendent qu'il y aurait des races différentes. Donc dans l'antispécisme, il y a aussi l'idée centrale de combattre l'idée qu'il y aurait des espèces distinctes, c'est-à-dire que l'être humain s'inscrirait dans une hiérarchie du vivant qu'il dominerait d'ailleurs. Je pense que c'est ce que tu veux dire aussi pour Ovitch. Hein. Bien sûr, ça va de pair. Il s'agit aussi de nier la supériorité de l'être humain, évidemment. Voilà. D'accord. En fait, il pousse l'antiracisme jusqu'aux espèces. Donc, nous sommes tous des êtres pluricellulaires dotés d'une conscience qui souffrent, donc ça part évidemment d'un anthropomorphisme grotesque aux yeux de n'importe quel adulte, mais qui dans ces petits cerveaux malades, souvent d'ailleurs très féminisés, hein, très, c'est, c'est, c'est souvent soit des homosexuels, soit des hommes très fragiles, soit des femmes. Ouais, voilà, surtout beaucoup de femmes. Oui, et on va y revenir à ça aussi. Oui, on va y voir. Il y a vraiment des bons sujets. Mais alors, ce qu'il y a à dire à ces gens, j'espère, je ne sais pas s'il y a beaucoup de véganes qui nous écoutent, mais ce qu'il faut dire à ces gens, puisque nous sommes tous des êtres pluricellulaires qui souffrons et que de fait nous devons tous nous lier d'empathie les uns avec les autres et ne pas nous entretuer, qu'est-ce que ces gens-là font des dernières études scientifiques qui démontrent que les plantes ont une conscience? Je vais en citer une très très rapidement, par exemple dans un champ d'acacia, dans une forêt d'acacia, une biche qui va manger un acacia, instantanément, tous les acacias aux alentours de cet acacia vont produire 10 fois plus de tanin, qui correspond à du poison, en gros, pour se protéger de la prédation de la biche. Ce qui confirme que l'acacia a communiqué avec les autres acacias. Et l'acacia est aussi un être pluricellulaire, un être vivant. Donc, jusqu'où on va? La salade, est-ce qu'on peut la manger, finalement, avec votre logique à la con? Donc là, le problème, c'est que la science va venir vous fracasser votre petite idéologie. Et soit vous allez devenir honnête, soit vous allez nous démontrer, et démontrer aux yeux de tous, que vous n'êtes qu'une bande de tarés qui avait envie de crever. Donc là, les véganes, il faut arrêter votre folie. Des êtres pluricellulaires, ça touche tout le monde du vivant. Et à un moment donné, on est obligé de se nourrir, ça ne meurt pas, ça se transforme, et puis la vie est ainsi faite. Donc Eh oui, mais malheureusement tu parles à des grands enfants et des malades mentaux, et je pense que ils vont pas recevoir le message. Bon, pour avancer un petit peu, je pense qu'il y a à peu près trois types, hein, de végétariens, parce qu'évidemment on va parler des végétariens et des véganes ensemble, hein, ça va de pair. On peut déjà avoir un petit peu le type des végétariens moraux, qui sont des gens qui agissent par empathie, hein, pour les animaux. Des gens un petit peu, j'ai envie de dire, des attardés mentaux, parce qu'ils ont du mal à comprendre que dans la vie, il faut aussi qu'il y ait de la mort, que c'est le cycle naturel. Il y a un deuxième type de végétariens, c'est les politiques. Donc ces gens-là, généralement, réagissent aux inégalités. Ils sont végétariens par tiers-mondisme. C'est des gens qui s'imaginent que si on était tous végétariens, on pourrait nourrir toute la planète. Ce qui est évidemment pas du tout la cause du problème. Et enfin, on a un troisième type de végétariens, c'est les nutritionnistes. C'est des gens qui s'intéressent surtout à la santé, qui ont un problème avec les protéines et le gras, il semblerait, hein, c'est... ça leur pose beaucoup de problèmes. Et donc, évidemment, tout ça, c'est nutritionniste, ça fait partie aussi de la mode de la détox, hein, vous avez dû en entendre parler. Dans cette catégorie... Ouais, vas-y. Oui, alors, juste pour Vitch, avant de parler des nutritionnistes, je pense que tu vas faire un petit développement là-dessus. Qui va être intéressant. Juste sur les végans moraux, je voulais juste rajouter un truc, en fait. C'est qu'en fait, c'est des gens, en fait, ils sont dans le compassionnel, les motifs. Et ça, les gens qui sont dans le pathos, on en connaît énormément sur plein de sujets. Et en fait, le végan devient simplement un vecteur d'expression de leur émotivité. Mais le végan politique, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais c'est-à-dire que le végan politique, et ça c'est intéressant parce qu'en fait quand tu creuses le truc, tu te dis, est-ce qu'il y a des gens vraiment sincères dans leur engagement végan? Est-ce qu'il y a des gens sincères dans leur végétarisme? Sincères et fous, hein. Enfin moi j'en ai vu, hein. Non mais il y en a, mais il y a des gens, en fait, ils étendent leur engagement politique ou leur engagement émotionnel dans ce domaine-là simplement par extension. Mais ce n'est pas véritablement sincère. Donc c'est juste que je voulais pointer du doigt là sur les végans politiques, les mecs te prennent la tête, ou les moraux, là, c'est le compassionnel. Mais alors vas-y, excuse-moi de t'avoir coupé, sur les nutritionnistes, alors là, je crois que tu as une galerie de portraits à nous proposer assez intéressante là. Ah, il y en a un, hein, parce qu'on va faire court, mais on peut pas passer à côté, c'est Thierry Casasnovas. Bon, même si le mec se défend d'être végétarien, crudivore, évidemment... Il en est jusqu'au cou. Et donc, c'est le plus connu sur le YouTube francophone. C'est quand même un type qui fait 26 millions de vues au total, 84 000 abonnés, donc autant dire la star du cru et du végétarisme. Et donc le monsieur aussi s'en profite hein, pour vous vendre des juiceurs, des compléments alimentaires et tout le tralala. Et moi, je voulais demander un petit peu à nos collègues, est-ce que vous connaissez Monsieur Casasnovas et qu'est-ce que vous en pensez? Bien malheureusement, Popovitch, je le connais, oui. Alors Thierry Casasnovas, pour ceux qui n'auraient pas l'Internet chez eux, enfin vas-y, vous avez forcément Internet puisque vous nous entendez. Thierry Casasnovas, c'est un petit prof à Barbiche de 45 kilos qui a apparemment chopé une maladie du Moyen-Âge, on ne sait pas trop quoi, certains disent la salmonèse, la tuberculose, mais la salmonelle, pardon. En tout cas, c'est quelqu'un qui, comme le disait Coluche pour les profs de faculté, ils vous vendent de l'intelligence sans en avoir un échantillon sur eux. Lui vous vend de la santé sans en avoir un échantillon à vous présenter. Donc, c'est vous avez un mourant qui vous explique comment être en bonne santé. Alors, pour la santé, on pourrait encore dire qu'il y a un aspect logique au fait que ce soit quelqu'un qui soit en mauvaise santé qui s'y intéresse de près. Cet individu parle d'une manière, enfin écoutez-le, sachez bien une chose, c'est que aucun professionnel de la santé, même les plus prétentieux des chefs de service d'oncologie, de cardiologie, tous ces pontes de la médecine qui sont effectivement extrêmement suffisants, extrêmement prétentieux, ils n'ont pas le quart de la suffisance et de la prétention de cet individu. Donc là, je vous demande quand même, chers auditeurs, de faire preuve d'un peu de bon sens. Comment un type sorti de nulle part, en train de mourir, qui a lu 3 bouquins, aurait la légitimité pour asséner des propos avec 10 fois plus, 4 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus de certitude que des médecins qui ont Bac+8, qui assistent à des conférences tous les jours, qui se renseignent sur la presse spécialisée quotidiennement. Je ne vais pas faire une éloge de la médecine officielle, loin de là, puisque la médecine officielle, on pourra en parler dans une autre émission, est aussi une entreprise en pleine déliquescence avec une mafia qui s'est installée en son sein. Mais enfin, Thierry Casasnovas, les amis. Mais alors, justement, en fait, je pense que la meilleure façon de découvrir le personnage, c'est d'aller sur YouTube, de taper Thierry Casasnovas et de regarder le personnage. Le mec, il est rachitique, il est vraiment, hein, il respire pas la santé. C'est un physique d'enfant somalien. Hein, c'est... Ah oui, c'est particulier. Hein. Ouais, effectivement. C'est et de somalien sans truc, le et de... sans l'aérophagie. Alors, juste, ah oui, mais... juste Poro a parlé tout à l'heure donc de Thierry Casasnovas, il a dit qu'il était crudivore. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut savoir chez les végétariens, il y a mille et une sectes. Évidemment, c'est des gens qui se font plaisir, ils sont très créatifs. Vous avez des frugivores qui ne mangent que des fruits, et les crudivores sont des gens qui mangent essentiellement cru, évidemment. Des crus, mais pas de viande. Ah bah non, ça dépend. Justement, sur Thierry Casasnovas, ce qui est marrant, c'est qu'il faut écouter le bonhomme. Il fait une magnifique vidéo où il explique un peu son parcours. Et qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique qu'il s'est ruiné la santé. Et comme le disait Stag tout à l'heure, il a chopé la tuberculose, qui est une maladie du début du 20e, hein, quand même. Comment? À force de régime alimentaire déséquilibré. C'est lui qui le dit, c'est sa vidéo. Vraiment, allez voir, c'est la vidéo sur son parcours, hein, c'est... Et ce type-là, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Qu'il s'en est sorti de justesse, c'est-à-dire que les médecins l'avaient renvoyé chez lui, le pensant condamné, et qu'il s'en est sorti avec de justesse en mangeant de la viande crue. Alors, je sais pas, on marche sur la tête avec ce personnage. C'est quand même... Le type s'en sort avec de la viande, et il va t'expliquer comment être en bonne santé après avoir flingué sa santé avec l'alimentation. C'est un truc de fou. Et ce type-là, je le rappelle, fait 26 millions de vues. Et les gens, il faut vous réveiller. Hein. C'est bien pour ça qu'on en parle. Vous savez qu'il y a eu des gens qui l'ont suivi. Donc depuis, alors je ne sais pas si c'est depuis ou s'il l'a fait dès le début, parce qu'il ne doit sûrement pas être si con que ça pour avoir 26 millions de gogos qui ont regardé ces vidéos. Mais il y a des gens qui ont failli crever de ces préconisations. Parce que manger cru... Bah, c'est bien beau, mais c'est très peu digeste. Il y a énormément de choses qu'on peut pas manger cru. Non, attends, attends, attends, le truc, non, c'est pas de manger cru, c'est il faut manger cru et frais. Mais si tu bouffes un truc cru, mais que t'as trouvé dans ton frigo qu'il y a 15 non, jours, mais attends, enfin, tu te vois manger une pomme de terre crue? Enfin, est-ce que vous avez déjà goûté, vous avez déjà senti l'odeur rien que d'une pelure de pomme de terre? Je pense pas qu'il pousse le vice jusqu'à faire ça, mais bah, je ne peux pas te le certifier. Pas lui, pas lui, mais probablement alors, une secte plus radicale que lui. Mais une secte ultra destructrice, parce que dans le grotesque, c'est aussi quelqu'un qui vous dit que vous pouvez soigner les cancers avec une cure de raisin. Donc vous arrêtez de manger, vous mangez que du raisin. Alors je sais pas s'il touche une petite com, parce que je sais il a un petit accent du sud, donc il doit peut-être avoir un contrat avec les vignerons du coin. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit que vous pouvez vous soigner du cancer avec une cure. Et à l'inverse, c'est quelqu'un qui vous certifie qu'une chimio vous tuera dans les 5 ans. Une chimio vous tue dans les 5 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, le cancer touche à peu près toutes les familles. Vous avez tous des gens qui sont passés sous chimio et qui ont survécu après 5 ans. Donc l'imposture est évidente, elle est claire et nette. Les amis, débranchez-vous de cet imposteur, quoi. C'est absolument une catastrophe d'avoir nos compatriotes qui regardent un tel déchet humain se répandre sur Internet. Bah ça va bien avec tout le reste de la gauchiasse, quoi. C'est la pulsion de mort généralisée. Donc, là, tu me dis qu'il y a 26 millions de vues pour ce triste cire. C'est bon, 26 millions de vues cumulées, c'est-à-dire hein, c'est des gens qui ont regardé plusieurs fois ces vidéos aussi. Hein, bon, pas non plus. En précisant, qu'il touche un petit billet à chaque fois que quelqu'un regarde sa vidéo. Quoi, oui, hein, n'est-ce pas. Oui, lui, il risque pas de se faire supprimer sa chaîne YouTube parce qu'il a dit des trucs méchants. Quoi. Lui, il a dit voilà, hein, il faut pas manger de viande, c'est génial, voilà. Vous allez être en bonne santé, vous allez guérir le cancer en bouffant des 15 raisins. Jours ouais, en 15 jours en bouffant des raisins. Quoi, tu vois, allez, après une bonne chiasse, tout va aller mieux. Alors pour Rovitch, continue parce qu'il a bien envie. Pour Rovitch, a d'autres choses à nous dire et il a d'autres clients qui sont des rescapés du végétarisme en fait. Bien sûr, après les mauvais élèves, il y a les bons. Et je vois parler d'une femme qui s'appelle Lier Case. Et donc cette femme a été végétarienne pendant 20 ans. Et évidemment, elle s'est flinguée la santé. Elle a eu des problèmes médicaux. Elle a fini par en sortir. Et elle a écrit un livre en 2013 qui s'appelle « Le mythe végétarien » où elle désingue un peu tous les mensonges, les bobards du végétarisme. Donc, je vous conseille ce livre. Si vous vraiment vous pensez à devenir végétarien, renseignez-vous avant. Allez voir aussi les contradicteurs. Lier Case, le mythe végétarien, c'est vraiment... Est-ce que tu peux donner une des idées fortes qu'elle défend, est-ce qu'il y a une idée qu'elle défend en particulier où elle dit là ils font fausse route quoi, il y a un truc qui colle pas ou je me suis fait avoir ou je me suis flingué de telle façon, enfin, t'aurais quelque non il y a pas c'est déjà le régime alimentaire, c'est-à-dire qu'on peut pas se passer de protéines et de gras, vous en avez besoin, vous pouvez pas vous nourrir uniquement de glucose. Parce que les régimes hyper-végétariens, c'est ça. C'est quasiment 100% full glucose. Et c'est ouais, mais t'as les mecs qui te disent « Oui, mais moi, je suis végétarien pour préserver la vie animale, parce qu'il y a ça, tu vois. » Parce qu'il y a la diète. Alors, il y a ceux qui disent « Moi, c'est par rapport à la diète. » Mais t'as les idéologues, comme tu l'as bien dit, hein, qui refusent l'exploitation animale, parce que pour eux, c'est une extension de la lutte des classes et de l'antiracisme, alors il ne faut pas faire du mal à l'animal. Donc, voilà, oui, je ne suis pas contre prendre de la protéine, mais pas de la protéine animale. Et comme tu l'as dit, à ce moment-là, tu heurtes le mur du réel, parce que comment tu fais pour avoir de la protéine en quantité suffisante quand tu n'y as pas accès par la protéine animale? Tu vois, c'est... ouais, ils sont... Non, mais tu as les nutritionnistes, de toute manière, qui sont à peu près d'accord pour te dire que le régime vegan, c'est quand même, grosso modo, de la merde, quoi. Hein. D'ailleurs, tu as... Ben là, c'est d'actualité, hein. Ça date d'il y a quelques jours. En Italie, où il y a eu plusieurs cas, tu vois, de parents, d'espèces de gros connards, de gros connards de végans, hein, qui ont eu l'idée malheureuse de se reproduire et donc de faire des gosses, et de faire donc au bébé de leur filer un régime végan. Donc, il y avait des gosses d'un an qui avaient le poids d'un enfant de 3 mois. Donc ça a fait un petit peu parler. Donc là, il y a une députée de droite, hein, de centre-droit, qui s'appelle Elvira Savino, qui a déposé un projet de loi pour, voilà, pour les foutre en tôle, ces enfoirés, hein, pour les foutre en tôle, les parents irresponsables. Qui dans leur pulsion de mort, ouais, dans leur pulsion de mort, voulaient tuer leur gosse, quoi. Hein. Donc, je crois que c'est une excellente idée, parce que malheureusement, des cas comme ça, j'en ai vu plusieurs dans mes recherches. L'RKI s'en parle aussi. Il faut savoir que ce régime sans gras, sans protéines, c'est évidemment extrêmement destructeur pour les enfants qui sont en pleine croissance, que c'est un régime qui épuise, qui crée des carences, et évidemment. Chez les enfants, c'est très très rapide parce qu'ils n'ont pas eu le temps de créer leur capital, parce qu'ils sont en croissance, ils vont très vite souffrir de carences. Donc il ne faut vraiment pas déconner avec ça. Et je crois qu'effectivement, il va falloir que le législateur s'occupe de ces gens-là. Parce que. Vu qu'il légifère sur les migrants, on peut se poser trois questions. Ouais, ceci étant dit, comment dire, tu voulais aussi nous parler de. Il y a toute une phraséologie, hein. Le véganisme utilise une phraséologie des références, culturels pour un peu légitimer son idéologie, voire sa dérive sectaire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un imaginaire végan, notamment l'univers concentrationnaire, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, les élevages en batterie, c'est Auschwitz. Hein, oui. Des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois trucs là-dessus? Oui, bah, tout à fait. Je parlais des végans politiques, donc qui sont par tiers-mondisme. Bon, ces gens-là, évidemment, on retombe, c'est cornaqué par l'extrême gauche, hein, il faut le savoir, hein, Antifa et compagnie. Et donc, c'est ces gens-là, on est vraiment dans l'extension de l'antiracisme avec tout le jargon marxisant, les néologismes à la con, etc. Mais ils n'arrêtent pas d'inventer des mots. Et on plaint aussi. T'as un exemple des mots à la con qu'ils utilisent? Bah, typiquement, être sentient, hein, qui désigne les animaux qui peuvent ressentir la douleur, ce qui est évidemment bidon, puisque comme Astérix le précisait, aujourd'hui on sait que même les végétaux sont capables de ressentir la douleur et de réagir, et même de communiquer. Donc je vois pas pourquoi la salade... C'est l'anthropomorphisme de très très bas étage, quoi, de gamins de 6 ans. Mais la seule solution pour cela, qui croit vraiment que le problème c'est la souffrance, et puisqu'on démontre, la science démontre de plus en plus que la conscience végétale est bien réelle et bien souffrante, eh ben là, il faudra qu'ils mangent leur propre caca, hein, qu'ils essayent comme le centipède là, comme le centipède. Ah ouais, mais tu rigoles, mais tu rigoles, mais j'ai pas dans ce sujet-là, je me suis limité aux végans et aux végétariens, parce qu'on pourrait parler aussi de l'urinothérapie et des mecs qui se prétendent se nourrir. Coprophage. Ouais, non, mais ça va vachement loin. Leur propre fesse, quoi. Alors, avec l'urinothérapie, on en revient à notre ami Rachid Abou Houdaïfa. Effectivement, tout est relié. Et donc, justement, non, mais attends, ce jargon marxisant, quand même, faut voir, quand même, qu'il parle d'holocauste animal, d'animaux esclaves, quand il parle des carnistes. Alors les carnistes, ça désigne ceux qui mangent de la viande. Alors, on peut pas parler d'omnivore, évidemment, tout simplement. Faut inventer un mot, si possible, qui fait peur. Et il parle, les carnistes, ça veut dire les tenants de l'idéologie de la chair. Imagine, c'est les méchants. Et il nous qualifie d'oppresseurs. Alors, vous voyez tout le baratin marxisant, la lutte des classes, etc., l'antiracisme, tout ça, évidemment, c'est toujours la même chiasse. Et ça part toujours de la névrose des gens. Alors en fait, le truc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et là, moi je voulais ajouter un petit truc là-dessus, c'est qu'en fait, c'est un relativisme radical, en fait. C'est-à-dire que c'est un relativisme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un héritage de... Enfin, c'est un héritage, donc, disons que c'est un excrément qui nous vient de la philosophie... enfin, ça nous vient de Kant, hein, je pense, donc je suis. Donc, en fait, c'est un subjectivisme radical. Donc, le sujet définit. Donc, l'objet n'a plus d'intérêt, la réalité n'a plus d'intérêt. C'est le sujet qui définit. Moi, je pense que. Et comme j'ai décidé que je pensais quelque chose, c'est moi qui vais définir ma réalité. Donc, dans l'antisexisme, par exemple, aujourd'hui, c'est j'ai décidé que j'étais une femme. Alors, bon, bah, je regarde mes attributs sexuels, je suis un homme, mais non, j'ai décidé que j'étais une femme. Et là, en l'occurrence, j'ai décidé d'être un animal parmi d'autres animaux. Il n'y a pas de hiérarchie, etc. Donc j'évolue au milieu du reste. Il n'y a plus de normes, il n'y a plus de polarité, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de hiérarchie, tout ça disparaît. Donc c'est la, j'allais dire, l'horizontalité la totale. Et ça rejoint effectivement, enfin, ou bien que c'est la prolongation, le prolongement, on va dire, le prolongement, parlons français, le prolongement de la lutte antiraciste, enfin, qui est une des innombrables luttes, hein, parce que sinon il y a aussi au plan religieux, c'est-à-dire que toutes les religions se valent, les philosophies ou les non-philosophies, etc. Sauf que c'est nié par les propositions elles-mêmes, puisque comment dire, ces gens, juste pour parler de la religion, je m'écarte un peu, mais vous allez voir où je veux en venir, c'est que quand quelqu'un dit Il n'y a aucune religion qui est supérieure à une autre, c'est une proposition qui n'en tolère aucune autre. C'est-à-dire que c'est une proposition d'autorité. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas. Donc le relativisme, en fait, est relatif. Ça paraît débile, mais en fait, c'est ce qu'ils disent. Et ce truc-là, cette espèce de relativisme, de subjectivisme radicalisé, on le retrouve dans l'antifascisme. Et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que ces gens-là, après nous avoir dit « bon, il n'y a pas de race, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de religion, il n'y a plus de différence entre les animaux, les hommes, les plantes, etc. », ont créé des structures dites antifascistes, qu'ils appellent « antifascistes vegan straight edge », j'ai trouvé ça, et ça fait le lien avec ce qu'on disait sur l'imam, vous avez mentionné l'imam qui boit de la pisse de chameau alors qu'il est en train de se balader du côté de la Mecque, ça nous fait marrer, mais quand même ça fait le lien, parce que on doit se poser la question. Alors, ces antiracistes, antispécistes, quand on leur pose la question du halal, quelle est leur réaction? Eh ben, moi, j'ai trouvé une réaction, et je voulais vous la citer. C'est un texte de ces antifascistes, et on devrait se dire, bon, alors, ils sont vent debout contre le halal, la souffrance animale, et voici ce qu'ils disent. Nous savons que la religion est un facteur de division au sein du prolétariat. C'est ce qui intéresse Marine Le Pen en tant que fasciste. La volonté des fascistes, c'est que les prolétaires se créent des oppositions entre eux selon une appartenance religieuse qui serait déterminée par leur origine ethnique. Deux points, les Arabes de France seront musulmans et mangeront halal, les Européens de France seront chrétiens et mangeront tradi. Chacun aura sa bourgeoisie comme guide. Nous refusons de tomber dans ce piège. C'est pourquoi nous refusons de donner une valeur politique à la religion. Mais surtout, nous voulons libérer tous les êtres vivants. Voilà le sens de notre antifascisme. Pour cela, nous pratiquons et mettons en avant un mode de vie qui exclut toute souffrance animale. Nous considérons que le débat sur l'abattage rituel est une supercherie fasciste et nous prônons la seule attitude authentique respectueuse des animaux, le véganisme. Donc en fait, foutez-vous la tête dans le cul, ne parlons plus de rien du tout. Au suivant. En gros, hein. Alors moi, il y a quand même quelque chose que je veux dire sur le véganisme, c'est qu'il n'y a pas que ces végans qui sont globalement des gens qui ont envie de crever, donc antifascistes, anti-carnassiers, bref, tout le tralala, tout ce dont on vient de parler. Il y a des végans de droite, des végans même d'extrême droite, enfin des végans je sais pas, mais des végétariens. Alors là, moi, ça m'amène quand même à parler d'une cause plus profonde. Je vais pas pouvoir trop développer. Ça nous amène sur un terrain un peu plus philosophique et on n'aura pas le temps, mais on pourra peut-être en parler dans une autre émission. C'est le rapport à la mort qu'ont les Occidentaux, le rapport des Occidentaux à la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tout ce qui nous rappelle à notre propre mort, et là, je reviens sur l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que la mort des animaux, finalement, on se la projette sur nous-mêmes et on a l'impression, ça nous rappelle à notre propre mort, en tout cas, chez ces végans-là, parce que chez les gens normaux, bon, ma foi, il faut bien nourrir pour vivre. Mais chez ces gens-là qui doivent trop réfléchir, qui se sont coupés d'une partie d'eux-mêmes, la mort de l'animal leur rappelle leur propre mort. Or, aujourd'hui, en Occident, tout ce qui nous rappelle à la mort est mis sous le tapis. Forcément, puisqu'il n'y a plus de Dieu, donc la mort est extrêmement effrayante, et donc je peux comprendre que les Occidentaux aient envie de la mettre sous le tapis. Et la mort des animaux est mise sous le tapis, veut être mise sous le tapis pour cette raison-là, à mon avis aussi. Pas que les raisons qu'on a citées précédemment. Il y a cette peur de la mort qui est constante, qu'on retrouve partout, puisque plus rien nous rappelle à la mort, mis à part Jamel et Toufik et leurs attentats multiples. C'est pertinent. Porovitch, le mot de la fin pour toi. Tu veux conclure sur le sujet? Je vais peut-être vous faire une petite galerie d'un dernier personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alexandre. C'est un cadre bancaire, un homosexuel. Et il est cofondateur de 269 Life. Alors, c'est un mouvement qui s'est fait connaître à Tel Aviv d'abord en 2012. Donc, c'est des gens qui se sont illustrés en faisant un happening où ils se sont fait marquer au fer rouge le numéro 269, qui est un numéro d'un veau. Donc, des gens très sains dans leur esprit. Et donc, Alexandre a fait la même chose en France. Alors, je voudrais donner la parole à Alexandre pour qu'on rentre un peu dans son univers mental. Alors, dans une interview donnée à une presse très complaisante, presse de gauche évidemment, il explique qu'il aimerait mourir pour les animaux. Et il précise « Devoir faire un sacrifice pour la cause animale ne me pose aucun problème. Je suis prêt à devenir un martyr. Un martyr », se justifie-t-il aujourd'hui. Il se limite uniquement pour ses responsabilités, hein, parce qu'il est en couple, il a des chiens. Et il continue. Si on disait qu'en se coupant une jambe, on toucherait 15 fois plus de personnes, je dirais ok, allons-y. Donc voilà, voilà un peu ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là. Je crois que c'est clairement des tarés. Gringo, il parle de la peur de la mort, qui c'est vrai qu'il est une des névroses de l'Occident moderne. Moi, je pense aussi quand même qu'il y a une espèce de fausse empathie, mièvre, où finalement, on s'identifie à des catégories comme ça, qui sont toujours des extrapolations, qui sont toujours, je cherche mon mot, qui sont toujours des autres loin, mais jamais de prochains. Ces gens-là ne te donneraient même pas de euros à un clochard. Ils vont pas, ils n'iraient pas lui serrer la main. Mais par contre, ils se prennent du passionnariat, quid pour des Somaliens, ils leur envoient un sac de riz. Ouais, c'est des psychopathes qui sont incapables d'une vraie relation humaine avec leurs prochains. Bien sûr. Ils sont obligés de reconstruire un schéma mental de relations sociales. Et alors, pour certains, ouais, ça passe par l'Africain. Ils vont chercher le prochain d'autres... plus loin, quoi. C'est la caricature de la loi d'amour qui a été prêchée par le Christ. C'est-à-dire que ce n'est plus pour le prochain, le mec réel qui est en face de toi, là, tout de suite. Non, non. C'est pour des trucs au lointain, des idéologies, des abstractions. Oui, c'est tout sauf le prochain, en fait. Oui, tout sauf le prochain. C'est le lointain. C'est ça, je crois aussi que c'est une grande névrose aujourd'hui. Aide ton lointain. Vraiment. Voilà, aime ton lointain, ouais, plus t'es loin, voilà. Et alors, du coup, il y en a qui vont très très loin, puisqu'ils vont jusqu'aux animaux. Alors, et je dis que... On a sûrement un mouvement quelque part au fond d'un tiroir qui défend le droit des végétaux, je présume. Enfin bon, il y en a même qui vont jusqu'au nègre. Et demain jusqu'à mars. Et je crois qu'il y a un prêtre qui disait que le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles, et je crois que c'est un peu ça le problème. Dommage que Julius Evola soit plus là pour nous faire un peu le tableau de ces idées, gens-là. Il y a plusieurs idées. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres trucs. Parce que comme on l'a vu, en fait, c'est cette espèce de subjectivisme radical aussi qui rend les gens fous, avec des gourous qui créent leurs églises. On a parlé de Casas Novas, on pourrait en citer beaucoup d'autres. On peut pas aborder le sujet dans toute son amplitude, mais en tout cas, je crois qu'on a vu l'essentiel, les grandes lignes. Pour synthétiser quand même les deux derniers sujets, un seul espoir face à toute cette merde, c'est que les migrants cannibales bouffent les végans tuberculeux et finissent par crever des virus du Moyen-Âge. Merci. Ça sera le mot de la fin. Alors, à plus tard, à la semaine prochaine pour la mission qui suivra. Mais ça a été un plaisir d'être avec vous. À la semaine prochaine, les amis. À plus. À plus.